dans un présent incertain, regardons le passé. Ce passé, c'est justement le métier des archéologues, qui, loin d'être passéistes, ont, au travers de leurs fouilles, un regard très particulier sur les grandes pandémies. Citons les pesteux de l'ancien Félix Potin du carrefour Réaumur-Sébastopol à Paris. Pire, la peste de 1720 et du grand Saint-Antoine qui marqua à tout jamais l'esprit des Marseillais. Bien d'autres encore, parfois non identifiés, comme cette peste antonine, probablement la variole, découverte à Rome dans les catacombes Saint-Pierre et Marcellin. Désormais masqués, les archéologues ont retrouvé fouilles et terrains depuis le mois de juin pour des découvertes qui semblent aller bon train. Ce sera d'ailleurs ce soir le sujet du magazine d'archéologie de France Culture, un tour d'horizon, un bilan 2020 des avancées et enjeux de l'archéologie en France avec Dominique Garcia. Bonsoir. Bonsoir Vincent Charpentier. Merci d'être ce soir en direct et au téléphone. Votre position est particulièrement stratégique puisque vous gérez la destinée du plus grand établissement de recherche archéologique en Europe. Professeur des universités, membre de l'Institut universitaire de France, vous venez tout récemment d'être renommé président de l'INRAP. Dominique Garcia, 1872, l'année terrible de Victor Hugo. 1992, Annus Horribilis, évoqué par la reine Elisabeth II. Dans ce cas, que peut être 2020 et comment cette année s'est-elle déroulée pour l'archéologie française ? Ce fut une période difficile et qui constitue d'ailleurs continue de l'être pour nous tous, avec encore de nombreuses contraintes et incertitudes. Mais l'ensemble de la communauté archéologique a su s'adapter à cette situation inédite, qu'elle a bien perçu que reprendre une activité normale pour permettre de concilier l'aménagement du territoire et la préservation du patrimoine était plus que jamais nécessaire. Il est certain que pour effacer les fractures qui naîtront de cette crise sanitaire, mais aussi économique et sociale, notre pays devra renforcer ses liens culturels, dont ceux qui sont tissés par la connaissance archéologique. Tous nous aurons donc besoin plus que jamais de cadres historiques, de repères collectifs, de biens patrimoniaux. De fait, vous l'avez dit, pour l'INRAP, ce ne sont pas moins de 2300 sites que les chercheuses et les chercheurs de l'Institut ont expertisés ou fouillés, grâce à l'appui de l'État et sous le contrôle scientifique et technique du ministère de la Culture. Donc autant d'archives du sol qui ont été préservées de la destruction et aujourd'hui qui sont étudiées et partagées par les spécialistes et le grand public. Dominique Garcia, il faut peut-être rappeler ce que l'archéologie préventive est liée justement à l'aménagement du territoire, que donc une forte mobilisation des archéologues de l'État permet aussi de contribuer, dans une relative mesure, à la future reprise de l'aménagement du territoire. Bien entendu, il y a eu la période de confinement dans lequel les archéologues, comme tous les citoyens, ont été privés d'activités directes et donc où l'économie du pays a été stoppée. Et ensuite, dès les premiers jours de reprise, nos archéologues ont repris le terrain, bien entendu, pour pouvoir expertiser ces sites et ensuite permettre que l'aménagement se poursuive. Dominique Garcia, l'actualité de l'archéologie, la grande fouille métropolitaine en 2020, c'est sans conteste Narbonne. Alors c'est un site effectivement extrêmement important. Alors on a l'habitude, en reprenant les propos d'Auguste Comte, de dire que l'humanité est faite de plus de morts que de vivants, et donc les fouilles de tombes et de cimetières sont extrêmement nombreuses. Ce n'est d'ailleurs pas le moindre des paradoxes que de constater que ces lieux, par leurs usages initiaux, ont été longtemps préservés par l'aménagement, alors qu'aujourd'hui les terrains en secteur périurbain se faisaient en rare, ils sont soumis à une importante pression immobilière et donc on note de nombreuses prescriptions de fouilles sur d'anciens lieux funéraires. De fait, fouiller donc un cimetière en 2020 aurait pu paraître un acte sinon anodin, du moins banal. Or, la nécropole de la Robine à Narbonne est réellement un site exceptionnel. Nous sommes dans la colonie romaine la plus ancienne de Gaule, capitale d'une importante province, cité occupée par des Romains mais aussi des Gaulois romanisés et fréquentée de par son activité portuaire par de nombreux marchands étrangers. Donc on a là un lieu, un espace extrêmement important d'un point de vue historique, voire géopolitique pour l'histoire de la romanisation, et sur lequel effectivement était projetée et projetée la construction d'habitations, d'immeubles sur une d'une nécropole. Or les nécropoles, c'est littéralement la ville des morts, un type de site qui le plus souvent se développe en surface. Et là, nous avons une nécropole originale, dans le sens qu'elle a été implantée en bordure d'un bras du fleuve Aude, dont les crues ont régulièrement inondé les tombes, les bûchers funéraires, les allées, et ont préservé donc les vestiges. Je reviens à Narbonne. Narbonne, première fille de Rome, hors d'Italie, lit-on à l'entrée de la ville moderne, l'un des plus grands ports de Méditerranée occidentale. Alors c'est effectivement Narbonne est située sur une ancienne voie terrestre qui reliait la péninsule ibérique à la péninsule italique, donc un espace qui permettait le contrôle de la Méditerranée nord-occidentale. La ville est implantée dans la bouchure du fleuve Aude. Aujourd'hui ce fleuve paraît bien modeste, or c'est un élément constitutif du passage entre la Méditerranée et l'Atlantique par le seuil de Naurouse. C'est l'accès le plus facile pour aller de la Méditerranée à l'Atlantique. On est obligé de passer par la vallée de l'Aude et donc à passer par Narbonne, qui est vraiment une clé, un verrou. Et ensuite, bien entendu, un site proto-historique existait dans le secteur, le site de Montlaurès, un emporion gaulois important. Et les Romains ont décidé d'implanter là une colonie, d'y installer donc des Romains qui ont à la fois mis en valeur les territoires de cette partie du Languedoc, mais aussi mis en place une activité économique importante. À l'échelle de la Méditerranée, Arles et Narbonne étaient sans doute les ports les plus importants dans cette partie de la Méditerranée. Et le tout en 125 avant notre ère et non pas en 52 comme dans le Nord. Cette fouille de la Robine, c'est 14 mois de recherche, 2000 mètres carrés, une quantité invraisemblable de sépultures retrouvées juste en face du futur musée Narbovia qui mettra en valeur l'héritage issu de l'Antiquité romaine. On fouille, le musée est en face, c'est formidable. Alors c'est une coïncidence, effectivement, la ville a tendance à s'étendre aujourd'hui, la ville actuelle, vers les étangs. Le musée qui va être inauguré à l'initiative de la région Occitanie dans quelques semaines se trouve à l'extrémité de l'espace bâti. Et puis donc là, en bordure de la Robine, de nouveaux immeubles vont être aménagés sur ce qui était une des nécropoles de la ville et pour lequel l'INRAP a fouillé pendant une année sous la direction de Valérie Bell, plus d'une cinquantaine de chercheurs ont travaillé dans ce secteur pour livrer des vestiges inédits. Pour la première fois en France, sur une échelle importante, vous l'avez dit, plus de 1600 sépultures, on va pouvoir étudier les défunts, les tombeaux, les enclos familiaux, l'organisation du cimetière, un abondant mobilier, un mobilier de qualité, mais aussi faire une anthropologie sociale, étudier les gestes funéraires, appréhender le rituel et le religieux. Alors ce qui est justement très important, c'est que cette nécropole est dans un exceptionnel état de conservation. Alors oui, c'est par chance et par malheur pour les Narbonnais, encore de temps en temps le phénomène a lieu. L'Aude donc déborde de son lit, des limons se répandent et donc viennent sceller des niveaux. Et donc là, pour la première fois, on a une nécropole où donc sur, vous l'avez dit, 2000 mètres carrés, c'est extrêmement petit, mais 1600 tombes, parce qu'en fin de compte, sur plusieurs mètres d'épaisseur, on a les niveaux de cette nécropole, avec les tombes, mais aussi les chemins, les enclos, et puis donc les traces en surface des rituels, des dépôts d'objets, des études non précises vont être menées sur des études carpologiques, anthracologiques, polynéologiques, qui permettront de voir tous les gestes qu'on pouvait retrouver en surface de cette nécropole, et même grâce à la lecture le tuyau de libation, d'essayer de voir les liens qu'entretenaient les populations romaines entre la partie aérienne et puis la partie souterraine. Ces fameux conduits à libation, de quoi s'agit-il ? Alors il s'agit pour sur certaines tombes, et c'est là une observation extrêmement rare en Gaule, même si ça avait été vu notamment en Afrique du Nord et en Italie, ce sont des conduits qui permettaient, après l'enterrement, après les dépôts funéraires initiaux, de pouvoir correspondre entre la partie aérienne et la partie souterraine. Donc on pouvait glisser dans ces tuyaux, parfois ce sont des cols d'amphore qui ont été réutilisés, on pouvait verser dans des tuyaux à manger pour le défunt, des parfums, des liquides, et donc un élément de communication. Bien souvent, les parties aériennes des nécropoles, les stèles, les éléments de libation de ce type-là, ont été détruits. Là, ils sont conservés. Donc, c'est là le caractère particulier qui va faire pour les archéologues d'aujourd'hui, mais sans doute pendant de nombreuses années, des ressources extrêmement intéressantes à étudier. On a l'ensemble du corpus. On a le défunt, ses objets, l'architecture de la tombe, l'urbanisme, si j'ose dire, de la nécropole, mais aussi tous ces petits détails. On a même des banquettes, des triclinias, donc des espaces où les gens qui venaient dans la nécropole pouvaient partager un repas. Donc des éléments extrêmement précis qui ont été fouillés. L'ensemble d'ailleurs a bénéficié des conseils scientifiques de John Shade du Collège de France et ceux de la DRAC Occitanie. Donc on a un dossier documentaire exceptionnel. Cette nécropole perdure des années 25 à 300 à peu près de notre ère, de quelle population s'agit-il ? De Gaulois romanisés, de Romains d'Italie, d'esclaves, d'affranchis ou tout simplement de la plèbe ? Alors dans ce secteur à Narbonne, on connaît plusieurs nécropoles. Là, on est dans une nécropole en bordure de la zone portuaire, sur le lit du fleuve et vers les étangs où se trouvait le complexe portuaire de Narbonne. Et on a plutôt l'impression d'avoir des populations romanisées, pas forcément l'élite de la ville, qui elle bénéficiait sans doute de constructions de mausolées qui devait se trouver en bordure de la voie, située non loin de là d'ailleurs. Pour vous, cette nécropole de Narbonne, les éléments de comparaison se trouveraient plutôt en Italie ? Alors bien entendu, les spécialistes, quand ils ont vu la nécropole de Narbonne, ont cru voir la nécropole de Rome ou les nécropoles de Pompéi ou la nécropole de Peupeut en Tunisie, donc des ensembles anciens, bien conservés, cohérents, qui permettent d'analyser l'ensemble des gestes et des rites. L'archéologie n'est pas que métropolitaine. Les fouilles aux Antilles, en Guyane, mettent en lumière une histoire propre, dont un des axes majeurs est sans conteste l'esclavage de Manique Garcia. Alors oui, dans les dossiers des différentes formes de servitude, qui sont des taches sombres dans l'histoire de l'humanité, méritent d'être documentés. Le caractère matériel d'ailleurs de l'archéologie à une période d'infox et de réécriture de l'histoire est extrêmement important. Et donc aujourd'hui, l'archéologie de l'esclavage est révélée par des fouilles dans les Antilles, en Guyane ou dans l'océan Indien, et donne à voir des réalités, nourrit nos archives et notre réflexion. Et qui plus est, à mon avis, c'est un élément important, cette archéologie dans ces secteurs que l'on a parfois appelé les miettes dispersées de l'empire colonial, doit être aujourd'hui le moyen, l'opportunité d'écrire ensemble une histoire connectée mondiale, celle des relations entre l'Europe occidentale et l'Amérique, les Caraïbes et l'océan Indien, et aussi de se pencher donc sur l'histoire même de ces régions, pas forcément en contrepoint de l'histoire hexagonale. Restons dans ce décor, puisque à La Réunion se déroule une étonnante fouille en lien avec le département, l'île Guillaume. Vous vous êtes, je crois, rendu sur place, Dominique Garcia ? Oui, j'ai pu voir cette fouille spectaculaire réalisée à l'initiative du département de La Réunion sous le contrôle de nos collègues du service archéologique et d'ailleurs avec en bénéficiant d'une étude extrêmement précise d'un lidar qui avait été étudié par Jonathan Vidal du ministère de la Culture. Et l'île de Guillaume est en fin de compte une colonie pénitentiaire implantée sur une montagne à 700 mètres d'altitude, un espace de 5 hectares sur lequel des prêtres ont mis en place une ferme pour rééduquer des enfants. 150 ou 180 enfants ont été jusque-là et ont essayé en fin de compte de bâtir des maisons, bâtir une chapelle, aménager des routes et mettre en place des cultures. Donc un centre pénitentiaire pour jeunes enfants qui a été implanté dans ces régions relativement retirées à 2 heures de marche à pied de Saint-Denis. Nathalie Mamoza de l'INRAP nous a gentiment communiqué un reportage sur les fouilles de l'île Guillaume. Tout de suite départ donc au cœur de la forêt, sur les cimes vertigineuses de La Réunion, où nous retrouvons Véronique Blanchard, historienne et spécialiste de la justice des mineurs. À partir de 1850, en France, on installe ce qu'on appelle les maisons de correction pour éviter aux enfants la prison. Donc on va mettre en place des lieux de placement collectifs où les enfants vont travailler, vont être isolés et on pense que grâce à ça, ils vont être redressés. Ben c'est exactement ce que vont faire les spiritains ici, d'abord à la Providence, puis en créant une annexe là-haut, à l'Islette à Guillaume. Et on va y ressembler des enfants, placés par la justice des enfants, qu'il faut redresser. L'Islette à Guillaume, les enfants sont gardés par les remparts. On n'a pas besoin du tout d'une architecture carcérale. Et pour ça, l'Islette, c'est absolument dans le projet des maisons de correction. Et puis c'est un lieu où les enfants vont beaucoup travailler. On va beaucoup leur faire construire des murs, des terrassements, des routes, un pont. Et là aussi, on est dans le projet intégral des colonies agricoles pénitentiaires. On pense que par l'isolement et le travail, les enfants vont retrouver le bon chemin. C'est absolument, pour le coup, assez inédit pour moi de travailler avec des archéologues. C'est-à-dire que là, on va vraiment mailler le travail en archives et le travail sur le terrain. C'est même comment nous en dira, nous demain, m'y parle même pas. Nous désordre comment il est, oui, comment la fin arrivait. Dominique Garcia, on se souvient de la colonie pénitentiaire de Belle-Île-en-Mer, mais face à la matérialité des faits livrés par l'archéologie, ce reportage a un côté assez glaçant. Alors oui, en plus on voit le caractère totalement isolé. Aujourd'hui, le lieu a été repris par la forêt. Et donc, il était important, et je trouve que c'est une initiative rare, initiée là par le département de La Réunion et le ministère de la Culture, qui a permis de faire une analyse globale du site. C'est-à-dire que il y a eu cette étude de LIDAR qui a permis de retrouver le plan, les parcellaires, les espaces agricoles sur lesquels les enfants avaient travaillé, mais ensuite nos collègues archéologues réalisent les plans de l'ensemble des vestiges, étudient les techniques de construction, mais sans méthode invasive, c'est-à-dire on ne fouille pas totalement, on conserve le site, on renforce son intérêt patrimonial et heuristique, tout en préservant un patrimoine fragile et en préservant son rôle mémoriel. Donc voilà, on remet en lumière sur les projecteurs cet espace. Et effectivement, aujourd'hui, ça laissera une marque importante et un document historique extrêmement précis. Ça a été dit dans le reportage. On va donc du relevé, du plan extrêmement précis, mais aussi, mettons, d'une étude botanique qui permet de retrouver les plantes qui étaient cultivées dans le secteur. Une colonie pénitentiaire pour enfants gérée par des spiritains. Il y a 30 ans, jamais un tel sujet n'aurait pu être probablement abordé en archéologie.

Et on peut imaginer que de la sorte, il y aura peut-être un certain nombre de petits objets, de petits fragments d'objets oubliés que nous allons récolter cette année. Dominique Garcia, nous n'avions pas su alors la fin de l'histoire. Mais depuis ce reportage, un travail moins spectaculaire s'est déroulé, notamment le tamisage, les études. Que livre aujourd'hui la fameuse princesse ? Alors, la tombe de la fameuse princesse livre des fibules complémentaires qui ont été retrouvées au tamisage. Il y a même un petit élément de la frise du cratère de Vix avec des pattes de chevaux, les éléments d'oplite, donc des éléments extrêmement importants pour la restitution du cratère, mais aussi une série d'objets appartenant au char, des clous, plus, comme l'a bien souligné Bastien Dubuis, les éléments de l'architecture de la tombe. Et ça, c'est important. On a redonné un contexte à cette découverte de 1953 qui n'en possédait pas. On a beaucoup parlé ces derniers mois de la restitution d'objets de nos musées français à tel ou tel pays. Je suis convaincu pour ma part qu'aujourd'hui, il est important de restituer des contextes, des objets conservés dans nos musées, y compris sur le territoire national. Et certains conservatrices et conservateurs en sont aussi conscients. C'est-à-dire que pendant longtemps, l'archéologie a donné des objets à voir au musée. Et aujourd'hui, il faut qu'on puisse donner des contextes à ces découvertes. Dominique Garcia, quels sont les défis de l'archéologie pour l'année 2021 ? Le défi, je pense, pour l'ensemble des acteurs, c'est de tracer de façon plus ferme ce cercle vertueux inscrit dans la loi sur l'archéologie préventive que vous rappelez et dont on célébrera dans quelques semaines, dans quelques jours, les 20 ans. C'est une démarche qui prône la conciliation de l'aménagement du territoire et la connaissance du passé. Et pour cela, il faut fouiller bien et sans contrainte, plus encore, étudier et partager plus encore les archives, valoriser les découvertes sur les territoires et enfin porter une attention particulière à la démocratisation culturelle et à la transmission avec les jeunes générations pour qu'elles sachent ce que le passé leur réserve. L'archéologie est plus encore à partager. On a l'impression que après le passage des archéologues, on ne voit plus le site, mais en revanche, il y a de la connaissance, il y a du savoir et ce sont ces éléments-là que l'on doit partager. Dominique Garcia, merci beaucoup. Et merci, merci surtout d'avoir été en ligne et en direct. Carbone 14 était réalisé par Vanessa Nadjar, à la technique Laurie Vachon et bien sûr avec la collaboration de Sandrine Chaperon. Vous pouvez écouter ou podcaster Carbone 14 sur le site de franceculture.fr ou sur l'application Radio France ou retrouver plus de 300 archives sur le site inrap.fr. La semaine prochaine, nous plongeons au cœur d'une caverne d'exception avec Jacques Jobert et la grotte de Cussac en Dordogne.